des rois, mon miracle est possible. Dieu de miséricorde, avec toi rien d'impossible. On m'a dit que près de toi, le malin devient bonheur. Tu es une muraille pour ceux qui croient, plus de peur. Ceux qui veulent m'humilier par leurs actes vont me lever. Mon roi de victoire, l'échec devient succès. Invincible tu es devant l'adversité, irrésistible tu es devant nos difficultés. Mon Dieu d'amour, de bonté et de pitié, je crie vers toi, je crie vers toi. Je ne suis pas digne de tes grâces, mais je viens vers toi. Papa, prends-moi comme je suis. You make it meilleur à moi. Oh, je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue. Seul ton amour peut me sortir du trou. Aide-moi jusqu'au bout. Prends-moi comme je suis. You make it meilleur à moi. Oh, je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue. Seul ton amour peut me sortir du trou. Aide-moi jusqu'au bout. Un petit moment d'intimité, le temps semble s'est arrêté. Un instant de prière qui t'est destiné. À genoux, à tes pieds, puisse ta grâce me toucher. Papa, reçois, papa, reçois. Reçois mes prières du fond de mon cœur. Papa, pardon. Mon Dieu d'amour, de bonté et de pitié, je crie vers toi, papa. Je ne suis pas digne d'être ton fils, mais je viens vers toi, papa. Prends-moi comme je suis. You make it meilleur à moi. Oh, je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue. Seul ton amour peut me sortir du trou. Aide-moi jusqu'au bout. Prends-moi comme je suis. Yon make it meilleur à moi. Oh, je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue. Seul ton amour peut me sortir du trou. Aide-moi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Un petit moment d'intimité, le temps semble s'être arrêté.